Quoi? Parce qu'un génie est venu, qui a fait l'histoire gigantesque dans l'éblouissement du Rancor, qui a enchaîné la Révolution en France et qui l'a déchaînée en Europe, qui a donné à son nom, pour synonymes éclatants, Rivoli, Iéna, Essling, Friedland, Montmirail. Quoi? Parce qu'après 10 ans d'une gloire immense, d'une gloire fabuleuse à force de grandeur, il a à son tour laissé tomber l'épuisement, ce sceptre et ce glaive qui avaient accompli tant de choses colossales. Vous venez, vous, vous voulez, vous, les ramasser après lui, comme il les a ramassés, lui, Napoléon, après Charlemagne, et prendre dans vos petites mains ce sceptre des titans, cette épée des géants. Pourquoi faire? Quoi? Après Auguste, Augustule? Quoi? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Le fil directeur de la majeure partie des poèmes des châtiments est contenu dans ce fragment du discours. La comparaison entre la destinée héroïque qu'il attribue au premier Napoléon et le sort misérable dont il menace celui qui n'allait pas tarder à devenir Napoléon III. Le 20 décembre 1851, un premier plébiscite, en effet, approuva la conduite de Louis-Napoléon et lui donna les pouvoirs nécessaires pour faire une nouvelle constitution. Victor Hugo explique, dans son Napoléon le Petit, pourquoi 7 millions de personnes contre 600 000 avaient répondu oui. Il a dit au peuple, choisis entre la belle et la bête. La bête, c'est le communisme. La belle, c'est ma dictature. Choisis, pas de milieu. La société par terre, ta maison brûlée, ta grange pillée, ta vache volée, ton champ confisqué, ta femme violée, tes enfants massacrés, ou moi, empereur. Choisis, moi ou croque-mitaine. Le bourgeois effrayé et par conséquent enfant, le paysan ignorant et par conséquent enfant, ont préféré Monsieur Bonaparte à croque-mitaine. C'est là son triomphe. Par peur et par ignorance, la France avait abdiqué sa liberté.